J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, j'ai même perdu la fille que j'aimais pour la vie. Me reste mes envies, j'ai les yeux qui pétillent, me reste ma folie, chagrin de pacotille. Je ne suis pas malheureux. Je sais qu'elle est ainsi, la vie. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, j'ai même perdu la fille que j'aimais pour la vie. Je ne suis pas malheureux.